Cinquième chapitre. Le mauvais conseiller. Ce jour-là, Francis partit pour l'atelier plus gaiement que d'habitude, et il ne s'aperçut même pas que le froid était excessif et la circulation presque interrompue à cause du verglas qui recouvrait le sol. Une fois à l'usine, il s'installa à sa place et attendit que le contremaître passât près de lui comme il le faisait tous les matins. Quand enfin il s'approcha de l'enfant, celui-ci développa rapidement son petit hydroaéroplane et le tendit à son chef en disant « Excusez-moi, monsieur Grondard, mais voici quelque chose que j'ai fabriqué et je serais heureux d'avoir votre avis. » Le contremaître prit l'objet des mains de Francis, le regarda attentivement pendant quelques secondes, puis demanda « C'est toi qui as fait cela ?»« Oui, monsieur Grondard. » « Personne ne t'a aidé ?»« Oh, pour ça non, personne, je vous l'assure bien. » Le chef d'atelier tournait et retournait le petit hydroaéroplane entre ses doigts. Il en examina d'abord le châssis métallique, les membrures, la commande, puis le gouvernail de profondeur. Mais ce qui retint surtout son attention, ce furent les flotteurs qui avaient une forme spéciale, ingénieuse et nouvelle. Il réfléchit un instant, puis, au lieu de rendre le minuscule appareil à l'apprenti, il le conserva en disant « C'est bon, travaille. Je vais un peu voir ton hydro de plus près. Tu es décidément très habile, Francis, et nous ferons certainement quelque chose de toi. Sans t'en douter, mon enfant, tu es sur le chemin d'une découverte. Tu as peut-être eu une trouvaille de génie. » L'enfant devint tout rouge et comme ses camarades d'établi le regardaient avec curiosité, il baissa la tête et se mit au travail. Un de ses voisins, un nommé Steiner, pour lequel l'apprenti avait toujours eu une insurmontable antipathie, s'approcha de lui en souriant. « Mazette, fit-il, tu en as une veine, toi. Le contre-coup dit que tu as fait une découverte. C'est merveilleux, cela. Tu vas bientôt damer le pion aux ingénieurs. » « Et si vraiment tu as trouvé quelque chose, comme le prétend Grondard, ta fortune est assurée. » Puis Steiner ajouta en baissant la voix, « À condition que tu ne sois pas assez godiche pour te laisser chiper ton invention. »« Oh !» protesta Francis, « Monsieur Grondard est un honnête homme, ce n'est pas lui qui profiterait du travail des autres. »« Est-ce qu'on sait? Tu n'es qu'un gosse, tu ne connais encore rien de la vie. Méfie-toi, c'est un conseil que je te donne. » Et Steiner ajouta d'un ton de confidence, « À ta place, vois-tu, je n'hésiterai pas. Si ton invention vaut vraiment quelque chose, et tu ne tarderas pas à le savoir, je chercherai à la vendre. Il ne manque pas de gens qui paieraient cher une idée nouvelle, surtout aujourd'hui. Toutes les puissances étrangères cherchent en ce moment l'hydroaéroplane le plus perfectionné, celui qui, en cas de guerre, rendrait de réels services. Dame, on ne sait pas, c'est à voir, il y a peut-être gros à gagner. » « Nous reparlerons de ça, petitot. » Francis ne répondit pas, mais s'il n'eût craint de causer un scandale, il eût certainement dit son fait à ce Steiner qui lui proposait cyniquement de vendre à l'étranger une invention française. L'apprenti avait été élevé dans les bons principes. Monsieur Maréchal, son instituteur, lui avait appris que le premier devoir de tout citoyen, c'est de contribuer dans la mesure de ses moyens à la grandeur et à la prospérité de son pays. Et il était indigné que Steiner, que l'on disait alsacien, et qui devait être par conséquent patriote avant tout, osât lui tenir de pareils propos. À quelques jours de là, M. Voirin fit appeler Francis. Le directeur de l'usine était un homme jeune encore, à la physionomie intelligente et douce, vers lequel on se sentait tout de suite attiré par une vive sympathie. Il considérait ses ouvriers comme des collaborateurs et les traitait en amis. Aussi était-il adoré de tout son personnel. C'était lui qui, depuis quelques années, avait fait faire à l'aviation le plus de progrès et la croix de la Légion d'honneur avait été la digne récompense de ses remarquables travaux. Lorsque Francis entra dans le bureau de M. Voirin, il y trouva le contremaître Grondard qui se tenait debout à côté du directeur. Sur la table de travail de ce dernier, l'hydroaéroplane de l'apprenti trônait majestueusement entre des plans, des calques et des pièces détachées. M. Voirin regarda Francis en souriant et lui dit d'un ton paternel « Grondard m'a montré le petit appareil que tu as confectionné. C'est réellement très bien, mon ami. Voyons, ne te trouble pas. Réponds-moi sans crainte. Tu sais que je ne suis pas un ogre. Oh, certes, monsieur le directeur, dit l'enfant. Je sais que vous êtes bon. Tout le monde à l'atelier se plaît à le reconnaître, et moi le premier. Monsieur Voirin arrêta l'enfant d'un geste. C'est bien, lui dit-il. Raconte-moi comment l'idée t'est venue de fabriquer ce petit engin-là. Voilà, monsieur, répondit Francis. Tout d'abord, je dois vous avouer. Mais ici, l'apprenti s'arrêta, visiblement gêné. Parle, voyons, parle sans crainte. Nous sommes tes amis, Grondard et moi. Tu peux te confier à nous. Eh bien, voici, monsieur le directeur, reprit le gosse. On n'est pas riche à la maison. Ma mère est malade. Et puis, nous venons d'adopter une pauvre petiote qui mourait de froid dans la neige. Tout ça, ce n'est rien. On aurait peut-être pu s'en tirer encore. Mais pour comble de malheur, le propriétaire auquel on devait un terme allait nous jeter sur le pavé tous les trois, ma mère, la petite Louisette et moi. Alors, vous comprenez, il fallait bien que l'on se débrouille, n'est-ce pas? Ici, je gagne 2 francs par jour. C'est certainement assez pour le travail que je fais, et je ne me plains pas, loin de là. Je ne puis pas gagner comme un ouvrier, puisque je ne suis qu'un apprenti. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est alors que j'ai fabriqué mes petits hydroaéroplanes. Pour les vendre? Oui, monsieur le directeur. Et tu en as vendu déjà? Non, pas encore. Monsieur Grondard m'a dit d'attendre, et j'ai suivi son conseil. Combien en as-tu fabriqué? 10, monsieur. Le directeur se leva, alla à son secrétaire, en sortit 2 billets de 100 francs, et les remit à Francis en disant « Tiens, mon ami, voilà pour vous permettre d'attendre toi et les tiens. » Francis était pâle d'émotion. « Oh, merci, merci, monsieur, » s'écria-t-il. « C'est maman qui va être heureuse. D'abord, je vais payer le propriétaire, puis... » « Ne me remercie pas, » interrompit monsieur Voirin. « Ce n'est pas une aumône que je te fais. Je te paye tout simplement ton travail. Il vaut plus que cela, crois-le bien. » Car tu viens de découvrir ce que nous cherchons depuis des mois, Grondard et moi, l'hydroaéroplane qui ne soit pas seulement un véhicule aérien, mais un canot automobile pouvant à la rigueur se servir de ses flotteurs ou les supprimer. Ton système de commande et de reploiement automatique est tout simplement merveilleux. Tu as fait une découverte, mon enfant, et tu auras avant peu le droit d'en être fier. Car je n'entends pas profiter à moi seul de ton invention. Sans doute il convient d'y apporter des perfectionnements, de rectifier certains organes qui, par leur frottement, nuiraient à la vitesse et peut-être à la stabilité de l'appareil. Mais l'idée mère subsiste. Je vais la travailler, la mettre au point. Tranquillise-toi. Ta mère et ta petite Louisette ne manqueront de rien désormais, car à partir de ce jour... Francis Mao est mon collaborateur en attendant qu'il devienne plus tard mon associé. L'apprenti croyait rêver. Était-ce possible? Quoi? Son modeste hydroaéroplane était si merveilleux que cela? Cet engin qu'il avait construit sans données de mécanique, presque d'intuition, était appelé à révolutionner l'industrie? Monsieur Voirin, qui vit le trouble de l'enfant, ajouta aussitôt. « Francis, il est une chose que je te recommande avant tout, c'est la discrétion. Si quelqu'un voyait ton appareil, peut-être tenterait-il aussitôt de le perfectionner. Évite de parler, car il y a des voleurs d'idées comme il y a des voleurs d'argent. Ils sont à l'affût de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, et un beau jour, l'inventeur confiant est tout étonné de voir sa découverte mise au point et exploitée par un autre. « Oh, soyez tranquille !» répondit l'enfant. « Je ne dirai rien. »« J'en suis sûr, » fit monsieur Voirin. « Allons, au revoir, mon ami. Je vais dès aujourd'hui me mettre à préparer les plans avec Grondard. Quand ils seront terminés, je te ferai appeler et nous les étudierons ensemble, car il est bien juste que tu saches au moins comment j'aurai utilisé ton invention. »